Assumer son individualité. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'une des choses les plus difficiles que doit développer l'individu qui se conscientise, c'est la capacité à assumer son individualité sans le soutien du collectif. Cela demande une très grande force de volonté individualisée. Par exemple, cela peut être de vivre en fonction du principe que la pensée ne provient pas de l'humain, qui en est le récepteur, alors qu'il est entouré de gens dans sa famille, sur son lieu de travail et dans son quartier, qui croient le contraire et agissent autrement. Si la personne a une grande force de volonté, elle va être capable de vivre en fonction de ce principe qui correspond à sa lecture vibratoire de la réalité, bien qu'elle se situe dans une collectivité qui ne le vit pas et qui peut même s'y opposer de manière virulente. Ainsi, vivre son individualité, c'est se permettre de manifester son savoir de nature vibratoire sans être soutenu par les institutions sociales, scientifiques, religieuses et politiques. Assumer son individualité, c'est être libre de toute forme d'influence extérieure à soi. Ainsi, ce n'est pas parce qu'une personne est entourée de gens qui présentent des problèmes de consommation de drogue, de dépendance aux jeux de hasard et d'endettement, qu'elle doit se résigner pour autant à vivre comme eux et reproduire les mêmes comportements qui vont abaisser sa vibration avec le temps. Elle doit être capable de gérer intelligemment sa vie en ayant une vibration haute qui s'élève avec un mental intact. Même si elle ne dispose pas de modèle sur lequel s'appuyer dans son environnement immédiat qui agit ainsi, elle doit être son propre point de référence pour se doter d'un mode de vie à la hauteur de son intelligence individualisée. Cette personne doit manifester une vibration qui se supporte elle-même en ne reposant pas sur le collectif. Assumer son individualité, c'est de se permettre de vivre des choses que les autres n'expérimentent pas. Ainsi, ce n'est pas parce que les gens, en général à l'époque actuelle, ne vivent pas de communication psychique avec leur esprit que l'individu qui se conscientise va se priver d'en connaître. Il y a un début à tout, il va être capable d'initier son mouvement de libération psychique et de s'accueillir dans sa différence, même s'il ne se sent pas reconnu par les autres. D'ailleurs, il n'attendra absolument rien des autres, parce que s'il attend de se sentir apprécié par eux, pour se donner le droit d'être bien dans sa peau, seulement ensuite, il risque d'attendre longtemps et il se met alors en position de dépendance à leur égard. Par conséquent, l'individu qui se conscientise se donne la capacité d'être bien dans sa peau maintenant, sans avoir aucune attente envers autrui. De toute manière, plus il a des attentes à l'égard du collectif et plus il risque d'être désappointé en proportion. Assumer pleinement son individualité, c'est être capable d'assumer son être sans chercher à imposer son savoir à autrui. Si la personne désire dominer les autres en leur imposant quelque chose, c'est qu'elle n'a pas encore pleinement intégré le fait qu'elle n'a personne à convaincre. Chercher à convaincre illustre que la personne vit en fonction de croyances plutôt que d'un savoir pleinement assumé. Souvent, les gens cherchent à convaincre les autres parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes pleinement convaincus de quelque chose et qu'il reste encore du doute en eux. Ils essaient alors de convaincre une partie d'eux-mêmes à travers l'autre qu'ils cherchent à rallier à leurs croyances. Puis, s'ils cherchent à avoir quelqu'un qui va les conforter dans un point de vue, c'est parce qu'ils ne l'assument pas totalement par eux-mêmes au préalable. Par exemple, si une personne sait que c'est pertinent pour elle de faire de l'activité physique, elle en fait tout simplement sans réfléchir. Elle ne va pas chercher à convaincre l'un de ses amis à en faire aussi pour que ce dernier l'accompagne à la salle d'entraînement et l'encourage à persévérer. Elle ne désire pas de point d'appui extérieur à elle si elle a besoin du soutien d'autrui à l'égard de la réalisation d'activités physiques. C'est qu'elle n'a pas totalement la force de volonté pour être en mesure de faire face seule aux obstacles à sa réalisation. Donc, elle manque de force de volonté pour se soutenir elle-même dans l'expression de son besoin individuel de s'entraîner physiquement pour garder son corps en forme et en santé. Ultimement, l'individu conscient ne sera plus intéressé à parler de l'importance d'assumer son individualité parce qu'il va être capable de le faire sans se laisser déstabiliser par des influences extérieures à lui, faisant obstacle à cela. Ainsi, lorsque la personne se conscientise, cela peut lui être utile de parler de l'importance d'assumer son individualité. Par contre, lorsqu'il l'assume pleinement, cela ne favorise plus son intégration parce qu'elle est complétée. Donc, cela devient une perte de temps et d'énergie d'en parler par rapport à son développement personnel lorsque son intégration est totale. L'individu va plutôt alors être mis en vibration par sa contrepartie cosmique pour intégrer un autre élément ayant trait à son processus de fusion progressive avec elle. Ce qui est particulier, c'est que l'être inconscient ne cherche pas à assumer pleinement son individualité parce qu'il ne s'individualise pas et s'avère étranger à ce processus. Lorsqu'il se conscientise, il s'individualise et il va s'y intéresser. Puis, lorsqu'il est devenu entièrement conscient, il ne s'y intéresse plus parce que ce principe est intégré par lui. Par contre, il peut en parler si des gens le questionnent à ce sujet et qu'il a la vibration que c'est intéressant de leur répondre. Il faut qu'il utilise son discernement pour déterminer par lui-même si c'est plus utile que nuisible d'agir ainsi. C'est comme pour apprendre à conduire un véhicule automobile. Lorsque nous effectuons des cours de conduite, il peut être intéressant d'en parler pour intégrer en profondeur l'information. Ensuite, lorsque nous savons conduire, nous n'avons plus envie d'en parler parce qu'alors nous cherchons à nous développer autrement. Par contre, s'il y a une personne dans notre environnement qui nous pose des questions sur les cours de conduite, nous pouvons lui répondre si nous avons la vibration que c'est pertinent de le faire. Toutefois, ce n'est pas parce que quelqu'un nous pose une question que nous sommes tenus d'y répondre obligatoirement. Si des personnes ne sont pas appelées à assumer leur individualité ou à suivre des cours de conduite dans leur existence, cela ne sert à rien de leur en parler, donc qu'il faut faire preuve de jugement avec autrui. Voilà ce qui termine la lecture du texte qui s'intitule « Assumer son individualité ». Vous pouvez le lire en cliquant sur le lien qui se situe en bas de cet enregistrement vidéo.